Tandis que Stepan Arkadievitch allait à Pétersbourg remplir ce devoir naturel aux fonctionnaires et qui ne songe pas à discuter, quelque incompréhensible qu'il soit pour d'autres, se rappeler au souvenir du ministre, et qu'en même temps il se disposait, muni de l'argent nécessaire à passer agréablement le temps aux courses et ailleurs, Dolly partait pour la campagne à Yorgouchovo, une terre qu'elle avait reçue en dot et dont la forêt avait été vendue au printemps. C'était à 50 verstes de Pakrovski de Lévine. La vieille maison seigneuriale de Yorgouchovo avait disparu depuis longtemps. Le prince s'était contenté d'agrandir et de réparer une des ailes pour en faire une habitation convenable. Du temps où Dolly était enfant, 20 ans auparavant, cette aile était spacieuse et commode, quoique placée de travers dans l'avenue. Maintenant, tout tombait en ruine. Et lorsque Stepan Arkadievitch était venu au printemps à la campagne pour la vente du bois, sa femme l'avait prié de donner un coup d'œil à la maison afin de la rendre habitable. Stepan Arkadievitch, désireux, comme tout mari coupable, de procurer à sa femme une vie matérielle aussi commode que possible, s'était empressé de faire recouvrir les meubles de cretonne et de faire poser des rideaux. On avait nettoyé le jardin, planté des fleurs, fait un petit pont du côté de l'étang, mais beaucoup de détails plus essentiels furent négligés, et Daria Alexandrovna le constata avec douleur. Stepan Arkadievitch avait beau faire, il oubliait toujours qu'il était père de famille, et ses goûts restaient ceux d'un célibataire. Entré à Moscou, il annonça avec fierté à sa femme que tout était en ordre, qu'il avait installé la maison en perfection, et lui conseilla fort de s'y transporter. Ce départ lui convenait sous bien des rapports. Les enfants se plairaient à la campagne, les dépenses diminueraient, et enfin, il serait plus libre. De son côté, Daria Alexandrovna pensait qu'il était nécessaire d'emmener les enfants après la scarlatine, car la plus jeune de ses filles se remettait difficilement. Elle laissait à la ville, entre autres ennuis, des comptes de fournisseurs auxquels elle n'était pas fâchée de se soustraire. Enfin, elle avait l'arrière-pensée d'attirer chez elle sa sœur Kitty, à laquelle on avait recommandé des bains froids, et qui devait rentrer en Russie vers le milieu de l'été. Kitty lui écrivait que rien ne pouvait lui sourire autant que de terminer l'été à Yorgouchovo, dans ce lieu si plein de souvenirs d'enfance pour toutes deux. La campagne, revue par Dolly au travers de ses impressions de jeunesse, lui semblait à l'avance un refuge contre tous les ennuis de la ville. Si la vie n'y était pas élégante, et Dolly n'y tenait guère, elle pensait la trouver commode et peu coûteuse, et les enfants y seraient heureux. Les choses furent tout autres quand elle revint à Yorgouchovo en maîtresse de maison. Le lendemain de leur arrivée, il plut à verse. Le toit fut transpercé et l'eau tomba dans le corridor et la chambre des enfants. Les petits lits durent être transportés au salon. Jamais on ne put trouver une cuisinière pour les domestiques. Des 9 vaches que contenaient les tables, les unes, au dire de la vachère, étaient pleines, les autres se trouvaient trop jeunes ou hors d'âge. Par conséquent, pas de beurre à espérer et pas de lait. Poules, poulets, œufs, tout manquait. Il fallut se contenter pour la cuisine de vieux coqs filandreux. Impossible d'obtenir des femmes pour laver les planchers, tout était à sarcler. L'un des chevaux, trop rétif, ne se laissant pas atteler, les promenades en voiture se trouvèrent impraticables. Quant au bain, il fallut y renoncer. Le troupeau avait raviné le bord de la rivière, et de plus on ne trouvait trop en vue des passants. Les promenades à pied près de la maison étaient elles-mêmes dangereuses. Les clôtures mal entretenues du jardin n'empêchaient plus le bétail d'entrer, et il y avait dans le troupeau un taureau terrible qui mugissait et qu'on accusait de donner des coups de corne. Dans la maison, pas une armoire à robe. Le peu d'armoires qui s'y trouvaient ne fermait pas, ou bien s'ouvrait d'elle-même quand on passait devant. À la cuisine, pas de marmite. À la buanderie, pas de chaudron pour la lessive. Pas même une planche à repasser pour les femmes de chambre. Au lieu de trouver le repos qu'elle espérait, Dolly tomba dans le désespoir. Sentant son impuissance en face d'une situation qui lui apparaissait terrible, elle retenait avec peine ses larmes. L'intendant, un ancien vaguemestre, qui avait séduit Stepan Arkadievitch par sa belle prestance et de Suisse avait passé intendant, ne prenait aucun souci des chagrins de Daria Alexandrovna. Il se contentait de répondre respectueusement « Oh, impossible de rien obtenir, le monde est si mauvais » et ne bougeait pas. La position eût été sans issue si les Oblonsky, comme dans la plupart des familles, il se fût trouvé ce personnage utile, aussi qu'utile qu'important, malgré ses attributions modestes, la bonne des enfants, Matrona Filonovna. Celle-ci calmait sa maîtresse, lui assurait que tout se débrouillerait, et agissait sans bruit et sans embarras. Elle fit, aussitôt arrivée, la connaissance de la femme de l'intendant, et dès les premiers jours alla prendre le thé sous les acacias avec elle et son mari. C'est là que les affaires de la maison furent discutées. Un club auquel se joignirent le starosta et le teneur de livres se forma sous les arbres. Peu à peu, les difficultés de la vie s'y aplanirent. Le toit fut réparé, une cuisinière amie de la femme du starosta arrêtée. On acheta des poules, les vaches donnèrent tout à coup du lait, les clôtures furent réparées, on mit des crochets aux armoires qui cessèrent de s'ouvrir intempestivement, le charpentier installa la buanderie, la planche à repasser recouverte d'un morceau de drap de soldat s'étendit de la commode au dossier d'un fauteuil, et l'odeur des fers à repasser se répandit dans la pièce où travaillaient les femmes de chambre. « Voilà, voilà !» dit Matrona Filimonovna en montrant la planche à sa maîtresse. « Il n'y avait pas de quoi vous désespérer. » On trouva même moyen de construire en planche une cabine de bain sur la rivière, et l'île put commencer à se baigner. L'espoir d'une vie commode, sinon tranquille, devint presque une réalité pour Daria Alexandrovna. Pour elle, c'était chose rare qu'une période de calme avec 6 enfants. Mais les inquiétudes et les tracas représentaient les seules chances de bonheur qu'eut Dolly. Privée de ce souci, elle aurait été en proie aux idées noires causées par ce mari qui ne l'aimait plus. Au reste, ces mêmes enfants qui la préoccupaient par leur santé ou leurs défauts la dédommageaient aussi de ses peines par une foule de petites joies. Pour être invisibles et semblables à de l'or mêlé à du sable, elles n'en existaient pas moins. Et si, aux heures de tristesse, elles ne voyaient que le sable, à d'autres moments l'or reparaissait. La solitude de la campagne rendit ses joies plus fréquentes. Souvent, tout en s'accusant de partialité maternelle, Dolly ne pouvait s'empêcher d'admirer sa petite famille groupée autour d'elle, et de se dire qu'il était rare de rencontrer 6 enfants aussi beaux et chacun dans son genre aussi charmant. Elle se sentait alors heureuse et fière. Pendant le carême de la Saint-Pierre, Dolly mena ses enfants à la communion. Quoiqu'elle tenât souvent ses parents et ses amis par sa liberté de pensée sur les questions de foi, Daria Alexandrovna n'en avait pas moins une religion qui lui tenait à cœur. Cette religion n'avait guère de rapport avec les dogmes de l'Église et ressemblait étrangement à la métempsycose. Pourtant, Dolly remplissait et faisait strictement remplir dans sa famille les prescriptions de l'Église. Elle ne voulait pas seulement par là prêcher d'exemple, elle obéissait à un besoin de son âme et en ce moment, elle se tourmentait à l'idée de ne pas avoir fait communier ses enfants de l'année. Elle résolut d'accomplir ce devoir. On s'y prit à l'avance pour pour décider les toilettes des enfants. Des robes furent arrangées, lavées, allongées, on rajouta des volants, on mit des boutons neufs, des nœuds de ruban. L'anglaise se chargea de la robe de Tania et fit faire bien du mauvais sang à Daria Alexandrovna. Les entournures se trouvèrent trop étroites, les pinces du corsage trop hautes. Tania faisait peine à voir, tant cette robe lui rendait les épaules étroites. Heureusement, Matrona Filimonovna eut l'idée d'ajouter de petites pièces au corsage pour l'élargir et une pèlerine pour dissimuler les pièces. Le mal fut réparé. Mais on en était venu aux paroles amères avec l'anglaise. Tout étant terminé, les enfants, parés et rayonnants de joie, se réunirent un dimanche matin sur le perron devant la calèche attelée, attendant leur mère pour se rendre à l'église. Grâce à la protection de Matrona Filimonovna, on avait remplacé à la calèche le cheval rétif par celui de l'intendant. Daria Alexandrovna parut en robe de mousseline blanche et l'on partit. Dolly s'était coiffée et habillée avec soin, presque avec émotion. Jadis, elle avait aimé la toilette pour se faire belle et élégante afin de plaire. Mais en prenant de l'âge, elle perdit un goût de parure qui la forçait de constater que sa beauté avait disparu. Maintenant, pour ne pas faire ombre au tableau à côté de ses jolis enfants, elle revenait à une certaine recherche de toilette, toutefois sans qu'elle songeât à s'embellir. Elle partit donc après un dernier coup d'œil au miroir. Personne à l'église, excepté les paysans et les gens de la maison. Mais elle remarqua l'admiration que ses enfants et elle-même inspiraient au passage. Les enfants furent aussi charmants de visage que de tenue. Le petit Alexis eut bien quelques distractions causées par les pans de sa veste, dont il aurait voulu admirer l'effet par derrière, mais il était si gentil. Tania fut comme une petite femme et prit soin des plus jeunes. Quant à Lily, la dernière, elle fut ravissante. Tout ce qu'elle voyait lui causait l'admiration la plus vive, et il fut difficile de ne pas sourire quand, après avoir reçu la communion, elle dit au prêtre « Please, some more !» En rentrant à la maison, les enfants, sous l'impression de l'acte solennel qu'ils venaient d'accomplir, furent sages et tranquilles. Tout alla bien jusqu'au déjeuner, mais à ce moment, Grichard se permit de siffler et, qui pisait, refusa d'obéir à l'anglaise et fut privé de dessert. Quand elle apprit le méfait de l'enfant, Dolly, qui, présente, eut tout adouci, dut soutenir la gouvernante et confirmer la punition. Cet épisode troubla la joie générale. Grisha se mit à pleurer, disant que Nicolas avait sifflé aussi, mais que lui seul était puni et que, s'il pleurait, c'était à cause de l'injustice de l'anglaise et non pour avoir été privé de tarte. Daria Alexandrovna, attristée, voulut arranger la chose. Pendant ce temps, le coupable réfugié au salon s'était assis sur l'appui de la fenêtre, et en traversant cette pièce, Dolly l'aperçut ainsi que Tania, debout devant lui, une assiette à la main. Sous prétexte de faire un dîner à ses poupées, la petite fille avait obtenu la permission d'emporter un morceau de tarte dans la chambre des enfants, et c'était à son frère qu'elle l'apportait. Grisha, tout en pleurant sur l'injustice dont il se croyait victime, mangeait en sanglotant et disait à sa sœur au milieu de ses larmes « Mange aussi, mangeons à nous deux !» Tania, pleine de sympathie pour son frère, mangeait les larmes aux yeux, avec le sentiment d'avoir accompli une action généreuse. Ils eurent peur en apercevant leur mère, mais l'expression de son visage les rassura. Ils coururent aussitôt vers elle, lui baisèrent les mains de leur bouche pleine de tarte, et la confiture mêlée aux larmes leur barbouilla toute la figure. « Tania, ta robe neuve !»« Grisha !» disait la mère, souriant d'un air attendri, tout en cherchant à préserver de taches les habits neufs. Les belles toilettes ôtées, on mit des robes ordinaires aux filles et de vieilles vestes aux garçons. On fit atteler le char à bancs et l'on alla chercher les champignons au bois. Au milieu des cris de joie, les enfants remplirent une grande corbeille de champignons. Lily elle-même en trouva un. Autrefois, il fallait que Miss Hull les lui cherchât. Ce jour-là, elle le découvrit toute seule. Et ce fut un enthousiasme général. Lily a trouvé un champignon. La journée se termina par un bain à la rivière. Les chevaux furent attachés aux arbres et le cocher Terenti, les laissant chasser les mouches de leur queue, s'étendit sous les bouleaux, alluma sa pipe et s'amusa des rires et des cris joyeux qui partaient de la cabine. Daria Alexandrovna aimait à baigner elle-même les enfants, quoique ce ne fût pas chose facile de les empêcher de faire des sottises, ni de se retrouver dans la collection de bas de souliers, de petits pantalons qu'il fallait le bain fini reboutonner et rattacher. Ces jolis corps d'enfants qu'elle plongeait dans l'eau, les yeux brillants de ses têtes de chérubins, ces exclamations à la fois effrayées et rieuses, au premier plongeon, ces petits membres qu'il fallait ensuite réintroduire dans leurs vêtements, tout l'amusait. La toilette des enfants était à moitié faite lorsque des paysannes endimanchées passèrent devant la cabine de bain et s'arrêtèrent timidement. Matrona Filémonovna héla l'une d'elles pour lui donner à faire sécher du linge tombé à la rivière, et Daria Alexandrovna leur adressa la parole. Les paysannes commencèrent par rire, en se cachant la bouche de la main, ne comprenant pas bien ces questions, mais elles s'enhardirent peu à peu, et gagnèrent le cœur de Dolly par leur sincère admiration des enfants. « Regarde-la donc, oh, est-elle jolie et blanche comme du sucre !» dit l'une d'elles en montrant Tania. « Mais bien maigre !» ajouta-t-elle en secouant la tête. « Ah, c'est parce qu'elle a été malade !»« Ah, et celui-ci, le baigne-t-on aussi ?» dit une autre en désignant le dernier-né. « Oh non, il n'a que 3 mois !» répondit Dolly avec fierté. « Vrai ? Et toi, as-tu des enfants ?»« Oh, j'en ai eu 4, il m'en reste 2, filles et garçons. J'ai sevré le dernier avant le carême. »« Quel âge a-t-il ?» « Oh, il est dans sa 2e année. »« Pourquoi l'as-tu nourri si longtemps ?»« Ben, c'est l'usage chez nous, 3 carêmes. » On continua à causer des enfants, de leur maladie, du mari. Le voyait-on souvent ? Daria Alexandrovna prenait intérêt à la conversation autant que les paysannes et n'avait aucune envie de s'en aller. Elle était contente de voir que ces femmes lui enviaient le nombre de ses enfants et leur beauté. Puis elles la firent rire et offensèrent Miss Hull par leurs observations sur la toilette de celle-ci. Une des plus jeunes regardait de tous ses yeux l'anglaise, se rhabillant la dernière et mettant plusieurs jupons les uns par-dessus les autres. Au 3e, la paysanne n'y tint plus et s'écria involontairement « « Regarde donc ce qu'elle en met, cela ne finit pas !» Et toutes de rire. Daria Alexandrovna, un mouchoir sur la tête, entourée de ses petits baigneurs, approchait de la maison lorsque le cocher s'écria « Ah, voilà un monsieur qui vient au-devant de nous, ce doit être le maître de Parlovski !» À sa grande joie, Dolly reconnut effectivement le paletot gris, le chapeau mou et le visage ami de Lévin. Elle était toujours heureuse de le voir, mais elle fut particulièrement satisfaite ce jour-là de se montrer dans toute sa gloire à lui qui, mieux que personne, pouvait comprendre ce qui la rendait triomphante. En l'apercevant, Lévin crut voir l'image du bonheur intime qui faisait son rêve. « Vous ressemblez à une couveuse, Daria Alexandrovna. »« Que je suis contente de vous voir, » dit-elle en lui tendant la main. « Contente? Et vous ne m'avez rien fait dire. Mon frère est chez moi. C'est par Stiva que j'ai su que vous étiez ici. Par Stiva? Demanda Dolly étonné. Oui, il m'a écrit que vous étiez à la campagne et pense que vous me permettrez peut-être de vous être bon à quelque chose. Et tout en parlant, Lévin se troubla, s'interrompit et marcha près du char à banc en arrachant sur son passage des petites branches de tilleul qu'il mordillait. Il songeait que Daria Alexandrovna trouverait sans doute pénible de voir un étranger lui offrir l'aide qu'elle aurait dû trouver en son mari. En effet, la façon dont celui-ci se déchargeait de ses embarras domestiques sur un tiers déplut à Dolly, et elle comprit que Lévin le sentait. Elle appréciait en lui ce tact et cette délicatesse. Bon, j'ai bien compris que c'était une façon aimable de me dire que vous me verriez avec plaisir, et j'en ai été touché. J'imagine que vous, habitué à la ville, devez trouver le pays sauvage. Je puis vous être bon à quelque chose? Disposez de moi, je vous en prie. Oh, merci, dit Dolly. Le début n'a pas été sans ennui, c'est vrai, mais maintenant tout va à merveille, grâce à ma vieille bonne, ajouta-t-elle en désignant Matrona Filémonovna, qui, comprenant qu'il était question d'elle, adressa à Lévin un sourire amical de satisfaction. Elle le connaissait bien, savait qu'il ferait un bon parti pour leur demoiselle, et s'intéressait à lui. Oh, « Veuillez prendre place, nous nous serrons un peu, » dit-elle. « Non, je préfère vous suivre à pied. Enfin, lequel d'entre vous veut faire la course avec moi pour attraper les chevaux ?» Les enfants connaissaient peu Lévin et ne se rappelaient pas bien quand ils l'avaient vu, mais ils n'éprouvèrent envers lui aucune timidité. Les enfants sont souvent grondés pour n'être pas aimables avec les grandes personnes. C'est que l'enfant le plus borné n'est jamais dupe d'une hypocrisie qui échappe parfois à l'homme le plus pénétrant. Son instinct l'avertit infailliblement. Or, quelques défauts qu'on pût reprocher à Lévin, on ne pouvait l'accuser de manquer de sincérité. Aussi, les enfants partagèrent-ils à son égard les bons sentiments exprimés par le visage de leur mère. Les deux aînés répondirent à son invitation et coururent avec lui comme avec leur bonne, Mehul, Mishul ou leur mère. Lily voulut aussi aller à pluie. Il l'installa sur son épaule et se mit à courir en criant à Dolly. « Ne craignez rien, Daria Alexandrovna, je ne lui ferai pas de mal. » Et en voyant combien il était prudent et adroit dans ses mouvements, Dolly le suivit des yeux avec confiance. Lévin redevenait enfant avec ses enfants, surtout à la campagne et dans la société de Dolly, pour laquelle il éprouvait une véritable sympathie. Celle-ci aimait à le voir dans cette disposition d'esprit qui n'était pas rare chez lui. Elle s'amusa de la gymnastique à laquelle il se livrait avec les petits, de ses rires avec Michel, à laquelle il parlait anglais à sa façon, et de ses récits sur ce qu'il faisait chez lui. Après le dîner, seuls ensemble sur le balcon, il fut question de Kitty. Vous savez, Kitty va venir passer l'été avec moi. Vraiment ? Répondit Lévin en rougissant, et il détourna aussitôt la conversation. Ainsi, je vous envoie deux vaches, et si vous tenez absolument à payer que cela ne vous fasse pas rougir de honte, vous donnerez 5 roubles par mois. Mais non, je vous assure que cela n'est plus nécessaire, je m'arrange. Alors dans ce cas, j'examinerai avec votre permission vos vaches et leur nourriture, tout est là. Et pour ne pas aborder le sujet épineux dont il mourait d'envie de s'informer, il exposa à Dolly tout un système sur l'alimentation des vaches, système qui les rendait de simples machines destinées à transformer le fourrage en l'herbe, etc. Il avait peur de détruire un repos si chèrement reconquis. Vous avez peut-être raison, mais tout cela exige de la surveillance. Et qui s'en chargera ? Répondit Dolly sans aucune conviction. Maintenant que l'ordre était rétabli dans son ménage, sous l'influence de Matrona Filémonovna, elle n'avait nul désir d'y rien changer. D'ailleurs, les connaissances scientifiques de Lévin lui étaient suspectes, et ses théories lui semblaient douteuses et peut-être nuisibles. Le système de Matrona Filémonovna était incomparablement plus clair. Il consistait à donner plus de soins aux deux vaches laitières et à empêcher le cuisinier de porter les eaux grasses de la cuisine à la vache de la blanchisseuse. Mais Dolly tenait surtout à parler de Kitty. Kitty m'écrit qu'elle aspire à la solitude et au repos, commença Dolly après un moment de silence. Sa santé est-elle meilleure ? Demanda Lévin avec émotion. Oh Dieu merci, elle est complètement rétablie. Je n'ai jamais cru à une maladie de poitrine. Oh, j'en suis bien heureux, dit Lévin. Et Dolly crut lire sur son visage la touchante expression d'une douleur inconsolable. Dites-moi, Constantin Dmitritch, dit Dolly en souriant avec bonté et un peu de malice, pourquoi en voulez-vous à Kitty ? Moi ? Mais je ne lui en veux pas du tout, répondit-il. Oh, si. Pourquoi n'êtes-vous venu chez aucun de nous à votre dernier voyage à Moscou ? Daria Alexandrovna, dit-il en rougissant jusqu'à la racine des cheveux. Comment, vous, bonne comme vous l'êtes, n'avez-vous pas pitié de moi, sachant... Mais je ne sais rien. Sachant que j'ai été repoussé. Et toute la tendresse qu'il avait éprouvée un moment auparavant pour Kitty s'évanouit au souvenir de l'injure reçue. Mais pourquoi supposez-vous que je le sache ? Parce que tout le monde le sait. Ah non, c'est ce qui vous trompe. Je m'en doutais, mais je ne savais rien de positif. Eh bien, vous savez tout maintenant. Ce que je savais, c'est qu'elle était vivement tourmentée par un souvenir auquel elle ne permettait pas qu'on fît allusion. Si elle ne m'a rien confié à moi, c'est qu'elle n'a rien confié à personne. Qu'y a-t-il eu entre vous ? Dites-le-moi. Je viens de vous le dire. Quand cela s'est-il passé ? Pas la dernière fois que j'ai été chez vos parents. Mais savez-vous que Kitty me fait une peine extrême, dit Dolly. Vous souffrez dans votre amour propre. Oh, c'est possible, dit Lévin, mais elle l'interrompit. Mais elle, la pauvre petite, est vraiment à plaindre. Je comprends tout maintenant. Excusez-moi si je vous quitte, Daria Alexandrovna, dit Lévin en se levant. Au revoir. Non, attendez, s'écria-t-elle en le retenant par la manche. Asseyez-vous encore un moment. Oh, je vous en supplie, ne parlons plus de tout cela, dit Lévin, se rasseyant, tandis qu'une lueur de cet espoir qu'il croyait à jamais évanoui se rallumait en son cœur. Si je ne vous aimais pas, dit Dolly, les yeux pleins de larmes, et si je ne vous connaissais pas comme je vous connais, le sentiment qu'il croyait mort remplissait le cœur de Lévin plus vivement que jamais. « Oui, je comprends tout maintenant, » continua Dolly. « Vous autres hommes qui êtes libres dans votre choix, vous pouvez savoir clairement que qui vous aimez, tandis qu'une jeune fille doit attendre avec la réserve imposée aux femmes. Il vous est difficile de comprendre cela, mais une jeune fille... peut souvent ne savoir que répondre. Oui, si son cœur ne parle pas, même si son cœur a parlé. Songez-y, vous qui avez des vues sur une jeune fille, Vous pouvez venir chez ses parents, l'approcher, l'observer. Et vous ne la demandez en mariage que lorsque vous êtes sûr qu'elle vous plaît. Oh, cela ne se passe pas toujours ainsi. Il n'en est pas moins vrai que vous ne vous déclarez que lorsque votre amour est mûr, ou lorsque deux personnes, l'une l'emporte dans vos préférences. Mais la jeune fille, on prétend qu'elle choisisse quand elle ne peut jamais répondre que oui ou non. Il s'agit du choix entre moi et Vronsky, pensa Lévin. Et la mort qui ressuscitait dans son âme lui sembla mourir une seconde fois en torturant son cœur. Daria Alexandrovna, on choisit ainsi une robe ou quelque autre emplette de peu d'importance, mais non l'amour. Au reste, le choix a été fait, tant mieux. Ces choses-là ne se recommencent pas. Vanité, vanité, dit Dolly d'un air de dédain pour la bassesse du sentiment qu'il exprimait comparé à ceux que comprennent seules les femmes. Lorsque vous vous êtes déclarée à Kitty, elle se trouvait précisément dans une de ces situations complexes où l'on ne sait que répondre. Elle balançait entre vous et Vronsky. Lui venait tous les jours, tandis que vous n'aviez pas paru depuis longtemps. Plus âgée, elle n'eût pas balancé. Moi, par exemple, je n'aurais pas hésité à sa place. Je n'ai jamais pu le souffrir. Lévin se rappela la réponse de Kitty. Non, cela ne peut pas être. Daria Alexandrovna, dit-il sèchement, je suis très touché de votre confiance, mais je crois que vous vous trompez. À tort ou à raison, cet amour-propre que vous méprisez en moi fait que tout espoir relativement à Catherine Alexandrovna est devenu impossible. Vous comprenez, impossible. Encore un mot. Vous sentez bien que je vous parle d'une sœur qui m'est chère, comme mes propres enfants. Je ne prétends pas qu'elle vous aime. J'ai simplement voulu dire que son refus au moment où elle l'a fait ne signifiait rien du tout. « Je ne vous comprends pas, » dit Lévin en sautant de sa chaise. « Vous ne savez donc pas le mal que vous me faites. C'est comme si vous aviez perdu un enfant et qu'on vint vous dire « Voici comment il aurait été, il aurait pu vivre, et vous en auriez eu la joie. Mais il est mort, mort, mort. » « Que vous êtes singulier, » dit Dolly avec un sourire attristé à la vue de l'émotion de Lévin. « Ah, je comprends de plus en plus, » continua-t-elle d'un air pensif. « Alors, vous ne viendrez pas quand Kitty sera ici ?»« Non, non, non, je ne fuirai pas Catherine Alexandrovna, mais autant que possible, je lui éviterai le désagrément de ma présence. » « Vous êtes un original, » dit Dolly en le regardant affectueusement. « Mettons que nous n'ayons rien dit. »« Que veux-tu, Tania ? » dit-elle en français à sa fille qui venait d'entrer. « Où est ma pelle, maman ? » ?»« Oh, je te parle français, réponds-moi de même. » L'enfant ne trouvait pas le mot français. Sa mère le lui souffla et lui dit ensuite, toujours en français, où il fallait aller chercher sa pelle. Ce français déplut à Lévin, à qui tout sembla changer dans la maison de Dolly. Ses enfants eux-mêmes n'étaient plus aussi gentils. Mais pourquoi parle-t-elle français à ses enfants? C'est faux et peu naturel. Les enfants le sentent bien. On leur enseigne le français et on leur fait oublier la sincérité, pensa-t-il. Sans savoir que 20 fois Dolly s'était fait ses raisonnements et n'en avait pas moins conclu que, en dépit du tort fait au naturel, c'était la seule façon d'enseigner une langue étrangère aux enfants. « Mais pourquoi vous dépêchez rester encore un peu ?» Lévin demeura jusqu'au thé, mais toute sa gaieté avait disparu et il se sentait gêné. Après le thé, Lévin sortit pour donner l'ordre d'atteler, et lorsqu'il rentra au salon, il trouva Dolly, le visage bouleversé, les yeux pleins de larmes. Pendant la courte absence qu'il avait faite, tout l'orgueil de Daria Alexandrovna au sujet de ses enfants venait d'être subitement troublé. Grisha et Tania s'étaient battus pour une balle. Au cri qu'ils poussèrent, leur mère accourut et les trouva dans un état affreux. Tania tirait son frère par les cheveux, et celui-ci, les traits décomposés par la colère, lui donnait force coup de poing. À cet aspect, Daria Alexandrovna sentit quelque chose se rompre dans son cœur, et la vie lui parut se couvrir d'un voile noir. Ses enfants, dont elle était si fière, étaient donc mal élevés, mauvais, enclins aux plus grossiers penchants. Cette pensée la troubla au point de ne pouvoir ni parler, ni raisonner, ni expliquer son chagrin à Lévin. Il la calma de son mieux, la voyant malheureuse, lui assura qu'il n'y avait rien là de si terrible et que tous les enfants se battaient. Mais, au fond du cœur, il se dit « Oh non, non, non, moi je ne me torturerai pas pour parler français à mes enfants. Il ne faut pas gâter et dénaturer le caractère des enfants. C'est ce qui les empêche de rester charmants. Oh, les miens seront tout différents. » Il prit congé de Daria Alexandrovna et partit sans qu'elle cherchât à le retenir. Vers la mi-juillet, Lévin vit arriver le starosta du bien de sa sœur, situé à 20 verstes de Pakrovski, avec son rapport sur la marche des affaires et sur la fenaison. Le principal revenu de cette terre provenait de grandes prairies inondées au printemps, que les paysans louaient autrefois, moyennant 20 roubles la dessiatine. Lorsque Lévin prit l'administration de cette propriété, il trouva, en examinant les prairies, que c'était là un prix trop modique, et mit la dessiatine à 25 roubles. Les paysans refusèrent de les prendre à ces conditions, et, comme le soupçonna Lévin, firent en sorte de décourager d'autres preneurs. Il fallut se rendre sur place, louer les journaliers et faucher à son compte, au grand mécontentement des paysans, qui mirent tout en œuvre pour faire échouer ce nouveau plan. Malgré cela, dès le premier été, les prairies rapportèrent près du double. La résistance des paysans se prolongea pendant la seconde et la troisième année, mais cet été, ils avaient proposé de prendre le travail en gardant le tiers de la récolte pour eux, et le starosta venait annoncer que tout était terminé. On s'était pressé de crainte de la pluie, et il fallait faire constater le partage et recevoir les 11 meules qui formaient la part du propriétaire. Lévin se douta à la hâte qu'avait mise le starosta à établir le partage sans en avoir reçu l'ordre de l'administration principale, qu'il y avait là quelque chose de louche. L'embarras du paysan, le ton dont il répondit à ses questions, tout lui fit penser qu'il serait prudent de tirer lui-même l'affaire au clair. Il arriva au village vers l'heure du dîner, laissa ses chevaux chez un vieux paysan de ses amis, le beau-frère de sa nourrice, puis se mit à chercher ce vieillard du côté où il gardait ses ruches, espérant obtenir de lui quelque éclaircissement sur l'affaire des prairies. Le bonhomme reçut le maître avec des démonstrations de joie, lui montra son petit domaine en détail, lui raconta longuement l'histoire de ses ruches et de ses essaims de l'année, mais répondit vaguement et d'un air indifférent aux questions qu'il lui posa. Les soupçons de Lénine furent ainsi confirmés. Il se rendit de là aux meules, les examina et trouva invraisemblable qu'elles continssent 50 charretées, comme l'affirmaient les paysans. Il fit en conséquence venir une des charrettes qui avait servi de mesure et donna l'ordre de transporter tout le foin d'une des meules dans un hangar. La meule ne se trouva fournir que 32 charretées. Le starosta eut beau jurer ses grands dieux que tout s'était passé honnêtement, que le foin avait dû se tasser. Lévin répondit que le partage s'étant fait sans son ordre, il n'acceptait pas les meules comme valant 50 chartés. Après de longs pourparlers, il fut décidé que les paysans garderaient les 11 meules pour eux et qu'on ferait un nouveau partage pour le maître. Cette discussion se prolongea jusqu'à l'heure de la collation. Le partage fait, Lévin alla s'asseoir sur une des meules marquées d'une branche de cytise et admira l'animation de la prairie avec son monde de travailleurs. Devant lui, la rivière formait un coude, et sur les bords on voyait des femmes se mouvoir en groupe animées autour du foin, le remuer, le soulever entre les ondoyantes d'un beau vert clair, et le tendre aux hommes qui, à l'aide de longues fourches, l'enlevaient pour former de hautes et larges meules. À gauche, sur la prairie, arrivaient à grand bruit à la file les télègues sur lesquelles on chargeait la part des paysans. Les meules disparaissaient et sur les charrettes, derrière les chevaux, s'amoncelait le fourrage odorant. « Quel beau temps !» dit le vieux en s'asseyant près de Lévin. « Le foin est sec comme du grain à répandre devant la volaille. Depuis le dîner, nous en avons bien rangé la moitié, » ajouta-t-il en montrant du doigt la meule qu'on défaisait. « Est-ce la dernière ? » cria-t-il à un jeune homme debout sur le devant d'une télègue qui passait près d'eux en agitant les brides de son cheval. « La dernière, père !» répondit le paysan en souriant. Et se tournant vers une femme fraîche et animée, assise dans la charrette, il fouetta son cheval. « C'est ton fils ?» demanda Lévin. « Mon plus jeune !» répondit le vieux avec un sourire caressant. « Oh, le beau garçon, n'est-ce pas ?» Et déjà marié ? Oui, il a 2 ans, à la Saint-Philippe. A-t-il des enfants ? Des enfants ? Ah, bien oui ! Il a fait l'innocent pendant plus d'un an, il a fallu lui faire honte. Pour du foin, c'est du foin, ajouta-t-il, désireux de changer de conversation. Lévin regarda avec attention le jeune couple chargeant non loin de leur charrette. Le mari, debout, recevait d'énormes brassées de foin qu'il rangeait et tassait. Sa jeune compagne lui tendait d'abord avec les bras, ensuite avec une fourche. Elle travaillait gaiement et lestement, se cambrant en arrière, avançant sa poitrine couverte d'une chemise blanche retenue par une ceinture rouge. La voiture pleine, elle se glissa sous la télègue pour y attacher la charge. Ivan lui indiquait comment les cordes devaient être fixées, et sur une observation de la jeune femme, partit d'un éclat de rire bruyant. Un amour jeune, fort, nouvellement éveillé, se peignait sur ses deux visages. La charrette bien cordée, Ivan sauta à terre et prit le cheval, une bête solide, par la bride, puis se mêla à la file des télègues qui regagnaient le village. La jeune femme jeta son râteau sur la charrette et alla d'un pas ferme se joindre aux autres travailleuses rassemblées en groupe à la suite des voitures. Ces femmes, vêtues de jupes aux couleurs éclatantes, le râteau sur l'épaule, joyeuses et animées, commencèrent à chanter. L'une d'elles entonna d'une voix rude et un peu sauvage une chanson que d'autres voix, fraîches et jeunes, reprirent en chœur. Lévin, couché sur la meule, voyait approcher ses femmes comme un nuage gros d'une joie bruyante, prêt à l'envelopper, à l'enlever, lui, les meules et les charrettes. Au rythme de cette chanson sauvage, avec son accompagnement de sifflets et de cris aigus, la prairie, les champs lointains, tout lui parut s'animer et s'agiter. Cette gaieté lui faisait envie, il aurait voulu y prendre part, mais ne savait exprimer ainsi sa joie de vivre et ne pouvait que regarder et écouter. La foule passée, il fut saisi du sentiment de son isolement, de sa paresse physique, de l'espèce d'hostilité qui existait entre lui et ce monde de paysans. Ces mêmes hommes avec lesquels il s'était querellé et auxquels, si leur intention n'était pas de le tromper, il avait fait injure, le saluaient maintenant gaiement au passage, sans rancune et aussi sans remords. Le travail avait effacé tout mauvais souvenir. Cette journée consacrée à un rude labeur trouvait sa récompense dans ce labeur même. Dieu qui avait donné ce jour avait aussi donné la force de le traverser, et personne ne songeait à se demander pourquoi ce travail et qui jouirait de ses fruits. C'étaient des questions secondaires et insignifiantes. Bien souvent, cette vie laborieuse avait tenté Lévin, mais aujourd'hui, sous l'impression que lui avait causée la vue d'Ivan et de sa femme, il sentait plus vif que jamais le désir d'échanger l'existence oisive, artificielle, égoïste dont il souffrait pour celle de ses paysans qu'il trouvait belle, simple et pure. Resté seul sur sa meule, tandis que les habitants du voisinage rentraient chez eux et que ceux qui venaient de loin s'installaient pour la nuit dans la prairie et préparaient le souper, Lévin, sans être vu, regardait, écoutait, songeait. Il passa presque entière sans sommeil cette courte nuit d'été. Pendant le souper, les paysans bavardèrent gaiement, puis ils entonnèrent des chansons. Leur longue journée de travail n'avait laissé d'autre trace que la gaieté. Un peu avant l'aurore, il se fit un grand silence. On n'entendait plus que le coassement incessant des grenouilles dans le marais et le bruit des chevaux s'ébrouant sur la prairie. Lévin revint à lui, quitta sa meule et s'aperçut en regardant les étoiles que la nuit était passée. Eh bien, que vais-je faire? Et comment réaliser mon projet? Se dit-il en cherchant à donner une forme aux pensées qu'il avait occupées pendant cette courte veillée. D'abord, songeait-il, il faudrait renoncer à sa vie passée, à son inutile culture intellectuelle, renoncement facile qui ne lui coûterait aucun regret. Puis il pensait à sa future existence, toute de simplicité et de pureté, qui lui rendrait le repos d'esprit et le calme qu'il ne connaissait plus. Restait la question principale, comment opérer la transition de sa vie actuelle à sa future existence. Rien à ce sujet ne lui semblait bien clair. Il faudrait épouser une paysanne, s'imposer un travail, abandonner Pakrovski, acheter un lopin de terre, devenir membre d'une commune. Comment réaliser tout cela? Au surplus, se dit-il, n'ayant pas dormi de la nuit, mes idées ne sont pas nettes. Une seule chose est certaine, c'est que ces quelques heures ont décidé mon sort. Mes rêves d'autrefois ne sont que folies. Ce que je veux sera plus simple et meilleur. Que c'est beau, pensa-t-il, en admirant les petits nuages rosés qui passaient au-dessus de sa tête, semblables au fond nacré d'une coquille. Que tout dans cette charmante nuit est charmant. Et comment cette coquille a-t-elle eu le temps de se former? J'ai regardé le ciel tout à l'heure et n'y ai vu que deux bandes blanches. Ainsi se sont transformées, sans que j'en eusse conscience, les idées que j'avais sur la vie. Il quitta la prairie et s'achemina le long de la grande route vers le village. Un vent frais s'élevait. Tout prenait à ce moment qui précède l'aurore une teinte grise et triste, comme pour mieux accuser le triomphe du jour sur les ténèbres. Lévin marchait vite pour se réchauffer en regardant la terre à ses pieds. Une clochette tinta dans le lointain. « C'est quelque voiture qui passe, se dit-il. » À 40 pas de lui, venant à sa rencontre sur la grande route, il vit une voiture de voyage attelée de 4 chevaux. La route était mauvaise, et pour éviter les ornières, les chevaux se pressaient contre le timon. Mais le Yamchik, adroit, assis de côté sur son siège, les dirigeait si bien que les roues ne passaient que sur la partie unie du chemin. Lévin regarda distraitement la voiture sans songer à ce qu'elle pouvait contenir. Une vieille femme y sommeillait, et à la portière, une jeune fille jouait avec le ruban de sa coiffure de voyage. Sa physionomie calme et pensive semblait refléter une âme élevée. Elle regardait les lueurs de l'aurore au-dessus de la tête de Lévin. Au moment où la vision allait disparaître, deux yeux limpides s'étaient arrêtés sur lui. Il la reconnut, et une joie étonnée illumina son visage. Il ne pouvait s'y tromper. Ses yeux étaient uniques au monde, et une seule créature humaine personnifiait pour lui la lumière de la vie et sa propre raison d'être. C'était elle. C'était Kitty. Il comprit qu'elle se rendait de la station du chemin de fer de Yergushovo, et aussitôt les résolutions qu'il avait prises, les agitations de sa nuit d'insomnie, tout s'évanouit. L'idée d'épouser une paysanne lui fit horreur. Là, dans cette voiture qui s'éloignait, était la réponse à l'énigme de l'existence qui le tourmentait si péniblement. Elle ne se montra plus, le bruit des roues cessa de se faire entendre. À peine le son des clochettes venait-il jusqu'à lui. Il reconnut aux aboiements des chiens que la voiture traversait le village. De cette vision, il ne restait que les champs déserts, le village lointain, et lui-même, seul, étranger à tout, marchant solitaire le long de la route abandonnée. Il regarda le ciel, espérant y retrouver ces teintes nacrées qu'il avait admirées et qui lui avaient semblé personnifier le mouvement de ses idées et de ses sentiments pendant la nuit. Rien n'y rappelait plus les teintes d'une coquille. Là-haut, à des hauteurs incommensurables, s'était opérée la mystérieuse transition qui, à la nacre, avait fait succéder un vaste tapis de petits nuages moutonnants. Le ciel devenait peu à peu lumineux et d'un beau bleu, et répondait avec autant de douceur et moins de mystère à son regard interrogateur. Non, pensa-t-il, quelque belle que soit cette vie simple et laborieuse, je n'y puis plus revenir. C'est elle que j'aime.